Cet officier n'est autre que le prince, mais il cache son véritable rang. Donc le prince, en habit d'officier, et Sylvia s'échangent d'amoureux propos en présence de Flaminia, qui force Sylvia à aller revêtir l'habit que le prince lui a fait faire. Flaminia, accueillant ensuite Arlequin, repu et satisfait du repas qu'on vient de lui servir.